Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci mon roi. Alléluia. Merci ô Seigneur, car tu es bon et ton amour n'a pas de fin. Tribu d'Israël, à vous de répéter, son amour n'a pas de fin. Descendant d'Abraham, à vous de répéter, son amour n'a pas de fin. Vous ces nouveaux fidèles, à vous de répéter, son amour n'a pas de fin. Nakati ya mignololo, nakonganga e paina yo Yesue. Mabo moina ngai makasi ya baini batele meli koluka bo moina yonde kimelo nangai ya yonde bo mamelo nangai ya nako bangelo kote. Fondé la détresse, j'appelle le Seigneur. Et il m'a donné. Le Seigneur est pour moi. Il me porte au secours. Et peuvent me faire les soins. Le Seigneur est pour moi. Il me porte au secours. Je vois la défaite de ce qui m'en voulait. Il fondait la détresse. J'appelle le Seigneur. Et il m'a rendu. Il m'a rendu la liberté. Le Seigneur est pour moi. Il me porte au secours. Je sais qui m'a voulu. Yesu mosungi nangai, nakozangi lokote. Seigneur, que de compte si les hommes, mieux vaut recourir au Seigneur, que de compte si des gens, mieux vaut recourir au Seigneur, que de compte si les hommes, mieux vaut recourir au Seigneur, que de compte si des gens. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Jésus est ma victoire, je ne perds de rien. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Jésus est ma victoire, je ne perds de rien. Mieux vaut recourir au Seigneur que de compter sur les hommes. Mieux vaut recourir au Seigneur que de compter sur des gens. Mieux vaut recourir au Seigneur. La la la la. Ata bato ya bokili babo inga ibaninga nanga Ata baninga ya lisano bango babo akisi nga ye Yesu yo mosungi nangai Yesu yo nelonga nanga Yesu yo mosungi nangai Yesu ye bile inanga Yesu yo nelonga nanga Yesu yo binga wana Yesu yo nelonga nanga Nako zange lokote Yesu mosungi nanga Nako zange lokote Nako zange lokote Yesu mosungi nanga Nako zange lokote Yesu mosungi nanga Yo binga wana Yesu mosungi nanga Nako zange lokote Yesu mosungi nanga Na likanga ye Yesu mosungi nanga Nako zange lokote Mawana moto yo akotale na mosala nina ye Kona alikamona yo Nalela Yesu masiye Yende longa ya bikabwa Yende molinga malabwe yo Yesu mosungi nanga Nako zange lokote Yesu mosungi nanga Nako zange lokote Yesu mosungi nanga